Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 6, du samedi 29 septembre 1883. Page 4, colonne 4. Nouvelles des États-Unis. Worcester, Massachusetts. Il y a eu 20 décès en cette cité pendant le courant de la semaine dernière. Il y a 13 ans que Mgr O'Reilly a été nommé évêque de Springfield. L'anniversaire de cette nomination a été célébré par une grand-messe à la cathédrale de Springfield mardi dernier. La compagnie des usines Washburn est à prendre en considération la fabrication de l'acier pour les rails de chemin de fer. Les dépenses à faire se montent à la somme de 150 000 $. Monsieur Ed Denichaud, de Trois-Rivières PQ, et frère de notre jeune concitoyen, Monsieur A.L. Denichaud, de la pharmacie française, est en cette ville depuis quelques jours. Le fonds Parnell, dont le révérend Monsieur Conaty est le trésorier, s'élève actuellement à la somme de 9 919,85 $. Le comité exécutif a ordonné la clôture de ce fonds pour le 15 octobre prochain. Les assesseurs ont ajouté 62 noms nouveaux de votants depuis la confection de la liste. Leur bureau sera ouvert tous les soirs de cette semaine pour l'accommodement de ceux qui désireraient être taxés. Mardi matin, on a trouvé un homme mort dans une remise en arrière de la fonderie Chippin. Comme il n'y avait aucune marque de violence sur le cadavre, on suppose que le défunt a succombé à une maladie de cœur. Le gouverneur Butler a fait sa visite officielle à l'hospice des aliénés de Worcester mardi après-dîner, venant de Sherborne, où il avait visité la prison des femmes. Les choses ont été trouvées en bon ordre dans ces deux établissements. Les votants, qui n'ont pas encore reçu une carte postale les invitant à payer la capitation, doivent se rendre de suite chez les assesseurs pour voir s'ils figurent sur la liste de l'impôt et payer leurs taxes, sans quoi ils ne pourront voter. Honora Flood, une femme d'environ 50 ans, a été renversé par un fiacre marchant avec rapidité à la croisée de la rue Front lundi soir. Elle a été relevée sa connaissance et transportée à sa demeure, rue Mécanique, où il a été constaté qu'elle avait reçu des blessures graves à la tête. Un petit garçon de Pierre Robillard, âgé de 10 ans, demeurant en arrière du numéro 74, rue Prescott, a été tué instantanément mardi dernier, après dîner, dans la cour des marchandises du chemin de fer Nashua. Il s'était glissé sur un train pour faire un bout de chemin, comme c'est l'habitude chez les jeunes garçons du voisinage, et il est tombé sous les roues qui lui ont écrasé la tête. La 26e fête musicale annuelle de Worcester s'est ouverte mardi dernier à la salle Mechanics et se terminera vendredi soir. Parmi les artistes qui y prennent part sont mesdames Minnie Hawk et Amy Sherwin, mademoiselle Isadora Martinez et Hope Glenn, et monsieur A. de Sèvres, violoniste canadien-français d'une grande distinction. Une réception enthousiaste a été faite à monsieur de Sèvres lors du concert de mardi soir. Les amis de monsieur H. M. Couture, employé français de la maison J. C. Clark & Company, se sont rendus chez lui en grand nombre jeudi dernier, et lui ont fait cadeau d'un beau candélabre et d'autres articles de ménage. Une adresse a été présentée à M. Couture, qui a improvisé une réponse remarquable d'intelligence et d'à-propos. Il s'en est suivi une soirée d'amusement et de franche et cordiale gaieté. C'est toujours une excellente chose d'avoir des amis. Nos meilleures félicitations à M. et Mme Couture. Le Club canadien-français de naturalisation a eu une grande assemblée mardi soir, il a admis plusieurs membres nouveaux. Un certain nombre de Canadiens français prendront leur premier papier de naturalisation pendant le courant de cette semaine. Il y aura une autre assemblée le mois prochain, à laquelle plusieurs orateurs seront présents. Le but de ce club est d'encourager la naturalisation et son principe est de ne rien connaître de la politique. Monsieur Otis W. Everett, surintendant de la manufacture de patins de Sam Winslow, a eu la visite, mardi dernier, des 75 employés sous ses ordres, parmi lesquels sont un grand nombre de Canadiens français. Ils lui ont fait présent d'une élégante pendule française, d'un fauteuil et de vases de fleurs, comme l'expression de leur amitié et des bons souhaits qu'ils formaient pour son bonheur à l'occasion de son entrée récente dans la vie conjugale. E. Everett a été uni, par les liens du mariage, à Mademoiselle Mabel Hay de Greenwich Village, Massachusetts, et les époux étaient de retour depuis mardi dernier. M. Winslow leur a fait un cadeau de noces de $100. Il y a 7 ans que M. Everett est dans sa manufacture et il jouit de l'estime générale de nombreuses connaissances. Une agence spéciale pour la vente de billets de chemin de fer dans toutes les directions et des plus recommandables est celle de M. George Lancaster, numéro 18, rue Pearl, Worcester. M. Lancaster est avantageusement connu du public voyageur avec qui il est en relation d'affaires depuis plusieurs années. Il donne toutes les informations voulues gratuitement et toujours les personnes qui lui achètent des billets se déclarent satisfaites. C'est une des meilleures agences de la cité. Les personnes dont les noms suivent avaient des lettres au bureau de poste le 25 septembre. Pour obtenir ces lettres, il faut demander lettre annoncée et mentionner la date de leur annonce dans les journaux. Toussaint-Marcille, P. Saint-Onge, N. Baribault, Madame Veuve F. Côté, Hormidas Fizette, Madame M. Jasmin, Louis Meunier, Prescott Boyne, Olivier Dubois, Daniel Hudon, Napoléon Lamoureux, Joseph Métivier, J. Saint-Germain, W. Snooze. Woonsocket, Rhode Island. Les tuyaux pour les CUSUC viennent d'arriver à la cour des marchandises du chemin de fer Airline. La police a arrêté, dans la rue River, vendredi après-midi, un individu accusé d'avoir volé un cheval à Blackstone. Il a dit s'appeler Riley. L'exposition agricole a eu lieu la semaine dernière. Il y avait plusieurs exposants canadiens français. Ils ont figuré avec avantage à cette fête de l'agriculture qui a été un grand succès. D'après les souvenirs du plus vieux des habitants, les eaux de la rivière Blackstone n'ont jamais été aussi basses que maintenant. Les manufactures de Woonsocket, qui dépendent des pouvoirs d'eau, ne peuvent commencer à travailler qu'une heure après le temps régulier et quand l'eau arrive des manufactures de la partie haute de la rivière. Les travaux de construction de la maison pour les petites sœurs des pauvres, que M. Joseph Bannigan, président de la compagnie de caoutchouc de Woonsocket, fait bâtir à mi-chemin entre Providence et Pawtucket, sont poussés avec toute la diligence possible. Le toit est bientôt terminé et tout le bâtiment sera prêt pour le printemps prochain. Le révérend, M. Dory, curé de l'église du Précieux Sang, a prêché le troisième d'une série de sermons sur l'éducation à la grand-messe de dimanche dernier. Ensuite, il a assisté à une assemblée régulière de la Société Sainte-Anne, où il a fait un discours sur les devoirs des catholiques envers l'Église, leurs prochains et eux-mêmes. Le révérend M. Dory est un homme d'une activité rare et le travail, pour lui, paraît être une nécessité. Fall River, Massachusetts. La dédicace de l'Église du Sacré-Cœur aura lieu en octobre prochain. Mgr Capel, ecclésiastique anglais d'une haute réputation, sera présent. Ernest Pelletier, un Français, employé de la compagnie manufacturière Whittington, a obtenu un jugement de la Cour supérieure à Taunton, lui accordant la somme de 2 750 $ pour la perte de la main droite en travaillant pour le compte de cette compagnie en février 1882. Le colonel Chester W. Green, ancien maître de poste de Fall River, se promenait vendredi soir, entre nuit et jour, autour des murs de la cave d'une maison en construction, avenue Island, lorsqu'il tomba dans un fossé et s'est cassé plusieurs doigts de la main. Le colonel Green est un homme de 70 ans, assez lourd et souffrant quelquefois de rhumatisme. Il est fort heureux pour ce vieillard qu'il ne s'est pas fait de blessures plus sérieuses. Il est arrivé un accident au vapeur Bradford Durfee de Providence entre 5 et 6 heures de l'après-dînée mardi dernier. Le bateau est de vieille date et le piston se meut perpendiculairement. Le cadre, dans lequel monte et descend la poulie, s'est cassé et le piston, n'étant plus retenu, a tordu la tête du cylindre et brisé l'escalier du salon. Il y avait environ 75 passagers à bord, parmi lesquels régnait une grande confusion. À la fin, le bateau a été remorqué jusqu'à Fall River par une goélette de pêche. Les dommages sont estimés à 5 000 $. Central Falls, Rhode Island. Madame Fonz Tarbox, de Arctic Center, s'est empoisonnée avec du verre de Paris et est morte lundi dernier. Un grand nombre de tisseurs des manufactures Lorraine, Pawtucket, se sont mis en grève lundi dernier pour cause de réduction de prix. L'ancienne manufacture de Manville a marché continuellement avec son pouvoir d'eau pendant ces temps de sécheresse. Le droit de Manville est le meilleur de la rivière. Samuel Hartley, tisseur à la filature atlantique à Harneyville, Rhode Island, a été foulé par un char urbain dimanche après-midi et est mort à l'hôpital le même jour. Richard Barry, âgé de 17 ans, a été foulé par un train de chemin de fer à Valley Falls samedi dernier à minuit. Il a eu les deux jambes écrasées et des blessures à la tête. Il a été transporté à l'hôpital du Rhode Island. On croit qu'il en mourra. Il a été signifié lundi dernier une sommation de la Cour suprême à William Sprague pour la mise en possession de la propriété de la compagnie Quidnic, mais Sprague a déclaré qu'il ne reconnaissait pas l'autorité de la Cour en cette matière. Israel Scott, de Manville, est le seul agent de police de cette localité, en même temps qu'il a la charge de 400 logements appartenant à la compagnie de Manville et la direction de la peinture dans une manufacture de grande étendue et autres propriétés appartenant à la compagnie. C'est beaucoup de travail pour un homme, surtout quand on sait que la population de Manville est de 6000 âmes et qu'il est le seul pour faire respecter l'ordre et la loi. Haverhill, Massachusetts. Monsieur A.D. Crépeau, fabricant de chaussures, a bien voulu se charger de l'agence de notre journal pour la cité de Haverhill et les environs. Il a, en conséquence, qualité de recevoir de nouveaux abonnés et paiement des abonnements échus. Monsieur Crépeau est en même temps agent pour la vente de billets de passage pour les lignes de chemin de fer Passamtic and Boston Airline. Monsieur J. Moisan, de Amesbury, a bien voulu se charger de l'agence de ce journal pour ce village. Il est par conséquent autorisé à solliciter des abonnements nouveaux et en percevoir les argents qui nous sont dus. Le bulletin rapporte que presque toutes les Bibles placées dans les wagons du chemin de fer Boston and Main pour la société biblique ont été volées. Madame Annie Stending, employée dans un restaurant de la rue Essex, Lawrence, s'est suicidée en se tirant un coup de revolver dans la tête. elle avait l'habitude de faire un grand usage de liqueurs alcooliques. Le niveau des lacs qui fournissent de l'eau à la cité est plus bas que jamais. Si de grandes pluies n'arrivent pas avant l'hiver, on se trouvera à manquer d'eau. Il y a beaucoup de personnes malades dans les environs. Les fièvres, rhumes et névralgies sont communs. Monsieur J. N. Pendergrast avait, à l'exposition agricole, la peau d'un double veau ayant deux corps, huit jambes, quatre oreilles, un œil, etc. Il était joint ensemble aux épaules et a vécu pendant quelque temps. Il était venu au monde le 4 mai dernier. Monsieur James N. Buffum, de Lynn, en se rendant à Wolfboro, New Hampshire, il y a quelques jours, a perdu son portefeuille contenant des valeurs pour un montant de 4 000 à 5 000 $. Ce portefeuille a été retrouvé par Mademoiselle Mary Dorr de Cotton Valley, New Hampshire, qui a refusé toute récompense. C'est la troisième fois que M. Buffum perd et recouvre son portefeuille pendant ces dernières années. Holyoke, Massachusetts. Podvin Avenue est le nom de l'allée entre les grands bâtiments près du coin des rues Lehman et Canal et appartenant à M. Gilbert Podvin. Il a été construit 27 maisons à South Audley Falls pendant la saison. L'approvisionnement d'eau pour le village, par le ruisseau Battery, est toujours suffisant malgré la sécheresse. E.F. Proux a vendu sa grande maison de West Warren à N.L. Tuck de Chicopee pour 10 000 $ et offre maintenant sa pharmacie en vente. On a échappé à un terrible accident sur le chemin de fer du canal dimanche matin de bonne heure. Le train de marchandises de New Haven descendait rapidement la pente près de Westfield quand l'ingénieur aperçut, à travers le brouillard, que le Dry Bridge, sur l'étang du chemin Hollow, était en feu. La vitesse du train et la rapidité de la pente enlevant tout espoir d'arrêter à temps, il a été possible de passer sur ce pont en feu et, à travers les flammes, sans autre accident que deux wagons qui ont déraillé. Par l'examen du pont, il a été reconnu que plusieurs traverses et piliers étaient sur le point d'être entièrement brûlés et que les rails étaient rouges de chaleur. Si le train était arrivé un quart d'heure plus tard, comme le pont se trouve à 50 pieds au-dessus de la route, un accident terrible n'aurait pu être évité. Le pont a été réparé immédiatement et, le lendemain, les trains ont pu circuler comme à l'ordinaire. Springfield, Massachusetts. Un Italien du nom de Marino Pizzicaro, d'un caractère vindicatif et querelleur, a tiré un coup de revolver dans le dos à John Cannon à North Oxford et il est probable que la blessure sera mortelle. Le malfaiteur a été arrêté aussitôt et se trouve actuellement en prison à Springfield à défaut d'un cautionnement de 5 000 $ en attendant son procès devant la cour d'assises. William T. Ferry, qui a coupé la gorge à sa femme dimanche dernier, a été conduit à l'asile des aliénés de Northampton le lendemain. Il était apparemment délivré de son accès de folie et se trouvait surpris de ce qu'on crut nécessaire de l'enfermer dans une maison d'aliénés. Il a dit à un ami que son acte de brutalité lui avait enlevé de l'esprit le fardeau de la jalousie qui l'accablait depuis plusieurs semaines. Il y a environ 2 mois que Ferry agissait d'une manière étrange et il était gardé à vue depuis quelque temps. Sa femme va mieux et probablement qu'elle en reviendra. Le député au Congrès, Rice, le candidat aux fonctions de gouverneur, Robinson, ont été les principaux orateurs de l'Assemblée républicaine à l'hôtel de la Cité samedi soir. M. Robinson a parlé pendant 3 quarts d'heure et a été fréquemment interrompu par les applaudissements. Il a dit, entre autres, que le gouverneur élu, l'année dernière, avait foulé aux pieds l'honneur de Massachusetts et que le peuple avait appris que son égoïsme, qu'il a traîné de parti en parti, était le seul contrôle de sa politique. Pour appuyer cet homme, la seule question que les démocrates combattent est celle de la tempérance. Puis, il a continué. « Depuis mon adolescence jusqu'à ce jour, je n'ai jamais rien connu des liqueurs enivrantes, ni trouvé aucune difficulté de m'en passer, soit à la maison, soit au dehors, pour les affaires ou l'amusement. Il y a suffisamment dans l'air et l'eau du bon Dieu pour fournir tous les stimulants qui me sont nécessaires. Mais qu'est-ce que la loi? Le Massachusetts a fait plusieurs essais dans la législation des liqueurs, et je crois que la loi actuelle est tout ce que le peuple est décidé à observer, car une loi qui n'est pas mise en vigueur est peu de choses dans un État. »